quoi de neuf, docteur? À la radio, bien souvent, on nous donne des cours d'histoire, de cuisine et d'anglais. Tous ces sujets n'intéressent personne, mais moi je sais bien ce qu'il nous plairait. La Distro Lapinothèque, c'est de la diffusion de brochures, de livres, de disques, de vinyle, du mouvement social, du punk, des zombies, de la marée chaussée pendue par ses pieds. C'est à l'écoute de la Distro Lapinothèque dans l'émission Tranche d'Anard sur Radio Air Libre. Tranche d'Anard, c'est tous les mercredis de 20h30 à 21h30. Et la Distro Lapinothèque, c'est le dernier mercredi de chaque mois à 20h30. Tout ce bazar écoutable sur le 87.7 FM à Bruxelles et partout dans le monde sur radioairlibre.net. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Allons! Bonsoir. Alors, ce mercredi 29 juin et ce vendredi 1er juillet, vous êtes et serez bien sur Radio Air Libre pour l'émission Distro Lapinothèque. La Distro Lapinothèque, c'est quoi? Alors, je rappelle que c'est non seulement une table mobile distro, lors de vos concerts, lors de vos rencontres, lors de vos conférences ponctuelles, mais c'est aussi tous les derniers mercredis du mois à 20h30 et en rediffusion les vendredis qui suivent à 21h sur les ondes de Radio Air Libre 87.7. Alors pour notre dernière émission, avant de se poser pour l'été, on va continuer notre cycle post-anarcho-moderno-déconstructionniste que nous avions commencé. Alors rappelez-vous, on avait fait deux parties avec Renaud Garcia et son livre Le désert de la critique. Il s'agit des émissions de mars et de avril de cette année, hein, 2022. Alors dans ce livre, Renaud Garcia, il proposait une analyse historique et critique de l'émergence de cette pensée déconstruite. Là, ce qu'on vous propose, c'est à nouveau en deux parties. Ce mois-ci, donc, on va commencer la première partie avec le livre qui est écrit par le collectif Mur par Mur aux éditions de l'Échappée et qui s'appelle « Pour un anarchisme révolutionnaire ». Ce livre-là et le livre de Renaud Garcia se répondent et se complètent. Alors, on essayera d'être un peu plus légère que la dernière fois parce que j'ai eu une petite remarque comme quoi c'était un peu indigeste. Alors voilà, ça arrive, mais bon, on va faire en sorte que cette fois-ci ce soit un peu plus léger, surtout que après, voilà, c'est quand même le début de l'été et on veut juste se reposer un peu. Alors d'ailleurs, pour ce faire, en deuxième partie, vous aurez une interview exclusive de Karim Berouka. Alors Karim Berouka est le chanteur de l'illustre groupe Ludwig von 88. Mais il ne s'agira pas que de ça, parce que Titi va nous raconter des salades sur le grand Cthulhu, les zombies punk et Pampan le lapin au Pays des Merveilles. En fait, l'auteur écrit des livres de littérature fantaisiste, alors on en profitera. Enfin, Titi va en profiter pour vous faire un retour de ce bouquin à la bonne franquette. Et ensuite, pour terminer l'émission, vous aurez une petite brochure des Lascars du LEP électronique aux éditions du commun. Cette brochure s'intitule « Vous ne pouvez rien contre nous, nous vous empêcherons de vieillir ». Ce sera en guise de clôture et pour inaugurer l'été. Alors bon vent tout le monde. Aujourd'hui, 1er juillet, la Terre a 3 milliards d'habitants. Personne n'a été capable d'écrire ce simple télégramme « Je t'aime, puis-je venir ?» signé Gaston. Aujourd'hui, les femmes ont rêvé qu'elles faisaient l'amour avec leur père, des bonnes ont quitté les familles bourgeoises l'injure à la bouche, les testicules des hommes ont remonté et ils les ont attachés avec des bouts de laine torsadés, des petites filles de l'âge de pierre ont chanté dans les trains des mélopées sauvages ignorées de leur mère. La réponse à tous les télégrammes envoyés par les gens a été « Reste où tu es ». Quant à moi, je ne suis pas morte au Soudan. De temps en temps, le téléphone crie et il faut lui donner à boire. La radio, elle, a commencé à diffuser des vieilles rengaines. En Italie, il y a des chemises grises. Ici, on a beaucoup reparlé de la chaude pisse des Algériens, c'est le signe qu'une chose grave va se passer, mais très loin, là, dans la rue, près de cette table, là. Les CRS se massent partout comme des buissons de mûres. 1er juillet, l'essence est au pouvoir. Ça va sauter d'une seconde à l'autre. Les chauffeurs de taxi répandent partout le bruit que la peur n'évite pas le danger. Les roses remettent ça, le foin remet ça, les abeilles remettent ça. Les chats se frottent contre les gens et on ne manque pas de faire observer une fois de plus combien ils sont égoïstes. Les chiens, plus serviles que jamais, sont partout cités en exemple. Sur la place de l'église en feu, une barricade de pneus crevés nous entourait. Aujourd'hui nous n'avons plus l'âge d'être sages, et notre grande révolution sera sans concession. La guerre des sexes est permanente, tu vas souffrir. La guerre des sexes est permanente, moi aussi je vais souffrir. Les projectiles que nous lançaient les forces armées sur nos navets aucun effet. C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages. La guerre des sexes est permanente, tu vas mourir. La guerre des sexes est permanente, vous aussi vous allez mourir. La statue du roi Albert Ier vient d'être décapitée par un obus de mortier. Nous sommes mis à danser pendant que les brancardiers ont mené les blessés. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on est dans un sale état, mais pour nous, le physique ne compte pas. Ça y est, la guerre des sexes est déclarée. Elle va s'étendre au monde entier. Alors, le collectif Mur par Mur a écrit en 2021 aux éditions de l'Échappée le livre Pour un anarchisme révolutionnaire. Alors, beaucoup de gens ont lu ce livre ou sont en train de le lire à Bruxelles. Il y a un arpentage qui s'est fait autour de ce livre qui suscite beaucoup de réflexions, d'attirances, de critiques. Voilà. Et moi, du coup, ce livre, j'ai eu envie de le lire. Parce que ça faisait référence pour moi à un livre que j'avais déjà lu et que je vous ai présenté en deux parties au mois de mars et au mois d'avril de cette année, et qui est sur ce post-anarchisme, sur le postmodernisme, ce livre qui s'appelle « Le désert de la critique ». Qui a été lui-même aussi fortement, fortement critiqué et qui, du coup, je vous le rappelle, dans la deuxième édition, reprend les critiques qui lui ont été faites et qui contre-argumente toutes ces critiques de manière très systématique. Donc, quand j'ai entendu parler de ce livre pour un anarchisme révolutionnaire, j'ai été très attirée tout de suite. Et en ouvrant les premières pages du livre, effectivement, ils parlent très vite eux-mêmes du livre de Renaud Garcia, Le désert de la critique, Contrairement à Renaud Garcia, ils ne vont pas faire une analyse historique de tout le mouvement et l'origine du post-anarchisme et du mouvement post-moderne, mais ils vont repartir du postulat de départ de l'anarchisme historique. Ils vont se poser la question de se dire, mais tiens, mais cette cause, hein, l'État et le capitalisme ont perdu de leur centralité théorico-pratique. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont perdu de cette centralité? Et par quoi est-ce que cette centralité a été remplacée? Alors de fait, aujourd'hui, dans ce qu'on pourrait appeler le post-anarchisme, la question de la lutte des classes s'efface derrière les dominations conçues en matière d'identité de genre, de race, de couleur, de sexualité, de choix alimentaires, etc. Et donc, ça fait référence finalement à ce postmodernisme et à l'importance qui est donnée à tous ces micro-pouvoirs, c'est-à-dire que dans chaque relation que vont entretenir les gens, la question du pouvoir va apparaître. Et donc ce sera plus, la centralité ne sera plus la relation de pouvoir entre un système et un groupe d'individus, mais bien entre les individus eux-mêmes, donc les pouvoirs qui s'exercent entre les individus eux-mêmes, appelés micro-pouvoirs. Alors, comme le rappelle le collectif Mur par Mur, l'État n'est pas un régulateur du capitalisme, mais il en est un de ses agents principaux. Parce que, comme il est dit dans leur livre, il sert à garantir, par la puissance formidable que lui seul est à même de mobiliser, la pérennité de la croyance en la création des valeurs futures. Il est donc un des piliers centraux de l'économie capitaliste. Et comme il le rappelle également, de l'autre côté, le capitalisme fournit à l'État moderne des moyens de contrôle dont aucun souverain de l'ancien régime n'aurait pu rêver. Et donc, dans un certain anarchisme actuel, cette articulation semble disparaître au profit de la lutte contre les micro-pouvoirs. Quand je marche dans la rue, on me montre du doigt, comme si j'étais tout nu. C'est sûr, on ne l'aime pas. Je Des sales gars m'en rigolent, comme si j'étais une cloune en cloune, une vieille big me pique avec son bébé rock dans leur bagnole des connes, appuyé sur le klaxon. Elle est trop moche et critique ma moustache. Tu schnocks sur la grimace, trouve mes francs dégueulasses, déteste ma différence et mon indifférence. Je m'en fous. Alors là, vraiment, je m'en fous. Ils ont raison. Alors les auteurs et les autrices, hein, donc le collectif, revient aussi sur cette vision primordiale en fait de l'anarchisme, cette vision qui date des premiers temps de la théorisation de l'anarchisme. Cette vision déterministe, c'est-à-dire que Proudhon, Bakounine, Kropotkine surtout, avaient une vision assez déterministe et scientiste, si pas scientiste, de la nature de l'homme. Donc la question de la nature humaine, de nouveau qui revient sur le tapis, hein, comme dans le livre de Renaud Garcia, où Renaud Garcia en reparle à travers une discussion qu'auraient eu Foucault et Chomsky dans les années 70 sur la nature humaine. Donc ici, le collectif Mur par Mur, il revient en quelque sorte à travers cette critique effectivement qu'on pourrait faire à cette vision déterministe des origines de l'anarchisme, dans laquelle, par exemple, Kropotkine parle aisément de l'anarchie comme étant l'ordre de la nature, et donc ayant une vision assez figée de l'anarchie, assez figée et assez déterministe, comme quoi l'homme serait naturellement bon, concevant la nature comme une espèce de providence maternelle grâce à laquelle l'harmonie devait régner en toutes choses, et y compris les sociétés humaines. Alors pour ça, je vous ramène aussi à une émission qu'on a faite précédemment, hein, il suffit d'aller la retrouver sur le blog des Lapins électriques, où je présente à ce moment-là l'entraide de Kropotkine. Donc à cette vision idéaliste de la nature humaine, le collectif Mur par Mur oppose Malatesta qui énonçait déjà une critique à ce propos. Alors comme Kropotkine, en fait, Malatesta c'est aussi un communiste libertaire. Donc en fait, il se rapproche énormément, il a les mêmes idéaux que Kropotkine. Donc une organisation sociale fondée sur une fédération de communes, voilà, où la propriété privée et le salariat sont abolis, tout ça. Donc ça il partage complètement avec Kropotkine. Mais pour Malatesta, l'anarchie s'éloigne de ce qu'il appelle le paradis terrestre ou de l'enfer fonctionnaliste qui l'accompagne pour devenir ce qui permettrait aux gens de tracer un chemin de lutte, une direction. Et pour tracer ce chemin, cela implique d'en passer par la destruction des institutions existantes qui produisent et entretiennent la servitude et qui répriment toutes celles et ceux qui les combattent. Toute la question est alors comment ? Et donc on tombe sur la question des moyens. Et la question des moyens est très certainement celle qui a donné lieu au plus grand nombre de conflits au sein de l'anarchisme. Alors il y a eu des conflits entre les anarchistes individualistes, communistes libertaires, anarcho-syndicalistes, les conflits entre propagande et action directe, les conflits entre avant-garde affinitaire et mouvement de masse, les conflits entre les mouvements collectifs organisés et les mouvements d'individus spontanés associés, etc. Alors aujourd'hui, pour le collectif Mur par Mur, mais on peut tout à fait acquiescer dans ce sens, c'est la position individualiste, prolongée, comme ils disent, et renouvelée par le post-anarchisme et l'appellisme, qui domine très largement dans les pratiques et dans les idées. À l'inverse de cette tendance, nous soutenons, donc le collectif soutient, un anarchisme qui renoue avec la visée révolutionnaire et qui se tient loin de l'avant-garde et de la glorification de l'affinitaire. Alors maintenant, je vais vous lire quelques extraits du livre concernant la critique que fait le collectif Mur par Mur du mouvement appelliste et du comité invisible. Parce que selon le collectif, les appellistes incarnent à l'extrême, en fait, cette conception post-anarchiste, individualiste, qui prend de l'ampleur aujourd'hui de manière assez peut-être inconsciente, irréfléchie, en tout cas en dehors de toute analyse critique réelle. À la fin de ces extraits, je vous laisserai avec Titi et Dylan pour continuer sur quelque chose d'un petit peu plus léger. Voilà, je vous souhaite un très bon été. Salut. Page 73 du livre « Pour un anarchisme révolutionnaire ». Le comité invisible. Le comité invisible a beau critiquer Stéphane Hessel et son insurrection des consciences, toute sa proposition, fortement inspirée des thèses avancées dans Tikkun, Tikkun, se fonde également sur cela. Alors, je ne sais pas comment on prononce Tikkun, Tikkun, voilà. Le Tikkun est la fin du grand sommeil, au sens le plus excessif du terme. Une grande transfiguration de la totalité. Entre le Bloom et lui, il y a toute l'étendue du monde de la marchandise autoritaire. Mais cette distance n'est pas plus épaisse que l'acte de conscience par lequel le Bloom doit se réapproprier ce qu'il est. Par la conscience de soi, le Bloom se pose en ennemi du spectacle parce qu'il entrevoit, dans cette organisation sociale, ce qui le dépossède de tout être. Alors le Bloom est un concept assez flou qui est développé dans la revue Tikkun. Alors je continue la lecture qui peut expliquer un peu plus de quoi il s'agit. La différence avec les thèses classiques de la prise de conscience se rapporte au fait que l'acte de conscience devant conduire au Tikkun n'est pas un processus intellectuel. Il ne s'agit pas d'une prise de conscience critique qui serait l'aboutissement d'une éducation ou d'une contre-éducation. Il s'agit plutôt d'une expérience intérieure liée à notre capacité à percevoir notre condition de Bloom et à opérer une purification de toutes les consolantes appartenances au monde de la marchandise. Le Bloom fait par là l'expérience intime et bouleversante de sa condition de mortel isolé face au monde et prend conscience de la nécessité de faire communauté. Autrement dit, la conscience de soi n'a rien d'un processus intellectuel, elle est au contraire une expérience intérieure de la communauté. Elle doit signifier la résolution de déserter cette société et pour cela de trouver les hommes. Et je terminerai par ceci, le comité invisible ne fait en réalité que ressentir les vieilles conceptions de l'anarchisme individualiste et du communisme expérientiel. Aucune révolution sociale n'est nécessaire. Il suffit de fonder des communautés libres où nous pourrons inventer un mode de vie différent, libérer du monde de la marchandise et rendre ainsi l'ordre actuel caduc, sans prise sur nos vies. Voici donc ce que le comité écrit dans son dernier opus en date. Destituer, ce n'est pas d'abord attaquer l'institution, mais le besoin que nous avons d'elle. Ce n'est pas la critiquer, mais prendre à cœur ce qu'elle est censée faire hors d'elle. Destituer l'université, c'est établir, loin d'elle, des lieux de recherche, de formation et de pensée, plus vivants et plus exigeants qu'elle ne l'est. Destituer la justice, c'est apprendre à régler nous-mêmes nos différends. Destituer la médecine, c'est savoir ce qui est bon pour nous et ce qui nous rend malades. Le geste destituant ne s'oppose pas à l'institution. Il ne mène pas contre elle une lutte frontale, il la neutralise, la vide de sa substance, fait un pas d'écart et la regarde expirer. Alors je terminerai sur ce petit rappel. Élisée Reclus dénonçait déjà ceux qui faisaient le choix de la désertion pour construire une petite chapelle dissimulée dans de vastes ténèbres. Au début de l'émission, vous avez entendu Brigitte Fontaine avec Le 1er juillet, La guerre des sexes des Brochettes, Je m'en fous de Stéréo Total. Et puis pour ce qui va suivre, pour ceux qui aiment Tikkun et le Bloom et qui veulent quand même s'évader, je propose d'écouter Évariste. Je veux...

des merguez frites, et bien plus encore. Ludwig est heureux de vous présenter Oulala de la mission. Salut. Bonjour, micro. C'est une vieille blague belge. Voilà. On va te demander de jurer sur le grand petit livre et tu nous promettras de nous raconter que des mensonges futiles. Je jure sur la révolution n'est pas un dîner de galard que Mao avait besoin d'une maquilleuse. Alors, au moment du grand bouleversement des forces chaotiques cyber-bolchevico-cuir, quel serait le dernier geste que tu ferais avant la grande mutation finale ? Un bras d'honneur, je pense que c'est ça. Ou alors un geste pour la... Je sais pas. Je veux dire, un geste physique ou un geste symbolique. Le dernier truc que tu... Je donne toute ma fortune, mes millions, mes Mercedes, mes yachts russes. Je les donne. Je les donne à des riches. Pour qu'ils soient encore plus riches. Ok. Imagine qu'un beau matin, tu vas te chercher un croissant ou une carapils, qui est une bière de base dans les supermarchés pas chers, et tu croises par hasard le grand ancien, The Master of the Profondeur, le grand et l'ultime Cthulhu. Tu l'interpelles et tu lui dis... Je lui dis, comment ça va Cthulhu? Ça y est, ça va bien, wesh, tranquille. Je lui donne la moitié de mon croissant, quoi. Je bois une bière avec lui, et puis après je donne l'adresse de la permanence de En Marche. Non, ils ont changé de nom, ils s'appellent Renaissance maintenant, et aujourd'hui, vas-y, Cthulhu, lâche-toi, casse tout. Alors, imagine que tu as été kidnappé par un groupe d'intervention spéciale russe et que ce très cher Vladimir P. t'a nommé à l'essai en intérim chef des armées. Quelle serait ta première action ? Ah ben, je demande à tous les soldats de se suicider pour la patrie. Alors, on va pas raconter ta vie de grande rockstar punk. Par contre, tu écris des romans mélangeant à la grosse louche fantastique, futilité et vaguement quelques propos un peu politiques. Raconte-nous ce qui t'excite là-dedans et ce fabuleux mélange. Oula, c'est compliqué là. Hein, voilà. Ouais, c'est toujours comme ça, des longues questions. Je peux plus répondre par oui ou par non là. Moi, j'aime bien Cthulhu, alors donc je l'ai mis dans un roman. J'aime bien les punks, je l'ai mis dans un autre roman. J'ai pas réussi à les mettre ensemble. Ça faisait un problème d'ego, en fait. Et voilà, donc c'est vachement bien d'écrire des romans parce que les paroles c'est sympa, mais t'en fais genre une page et raconter toute une histoire en une page, c'est chaud quand même. Donc faire des romans, je conseille à tous les gens qui ont beaucoup de choses à dire et qui ont du papier et des crayons, écrivez des romans, c'est très beau. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, c'est très bien. Vous pouvez raconter le futur de l'humanité avec des punks qui sauvent le monde. Vous pouvez raconter des enquêtes de flics avec des faits. Vous pouvez raconter le dernier bouquin que je viens d'écrire, c'est l'histoire de Pam Pam qui est un lapin, qui en fait le lapin. C'est l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, mais c'est l'histoire du lapin. Parce que finalement, ce pauvre lapin, tout le monde s'en fout. D'ailleurs, il n'a pas de nom dans Alice au Pays des Merveilles. Mais il est toujours à la bourre et il y a une raison pour ça. Donc il faut lire le livre jusqu'à la fin pour savoir pourquoi le lapin est toujours à la bourre. Voilà, je rends service à l'humanité en résolvant quelques grandes équations mathématiques comme ça, tu vois. Alors pourquoi les lapins ? Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, je vous aime. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Alors, c'est quoi ton avis sur le genre fantastique en termes de contenu, de forme, ton rapport aux clichés idéologiques, sexistes, racistes? Sors-nous ta tronçonneuse et tranche-nous quelques têtes ou simplement ton avis sur la question. Voilà, c'est plus compliqué maintenant les questions. Hein, ça, je passe les niveaux là. Fantastique, quoi. Moi, j'écris du fantastique, fantasy, un peu science-fiction. Alors, le fantastique, c'est un peu quand on est dans le même monde que le nôtre, et puis un truc qui se met à déconner, il y a un fantôme qui apparaît, un lapin qui se met à parler, tu vois. Donc, la science-fiction, bah, c'est un peu, pas forcément le futur, mais c'est un peu un monde où on fait agir une sorte de technologie ou de concept technologique. Et puis la fantasy, c'est un autre monde, c'est les dragons, c'est Game of Thrones. Alors peut-être juste, je recadre la question, le genre fantasy, fantastique, science-fiction, globalement, comparé, je dirais, aux romans, aux polars, policiers plus classiques, ou à la littérature, ce genre-là, en termes de clichés qu'on peut retrouver, qu'est-ce que toi tu en penses et qu'est-ce que éventuellement tu proposes de différent, je pense. Alors, dans tous les genres littéraires, on trouve des clichés. Hein. Dans toutes les époques, dans tous les mouvements littéraires, il y a des clichés, des trucs ou des archétypes qui se répètent. Donc, la fantasy marche beaucoup sur le cliché et l'archétype. La SF, ben, c'est beaucoup plus diversifié, on va dire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre effectivement des trucs qui sont un peu connus, par exemple des zombies, et puis d'en faire quelque chose un peu différent. Par exemple, le bouquin où il y a des zombies, c'est le bouquin où il y a des punks qui se bastonnent contre des zombies, ce qui changeait un peu des groupes de paramilitaires américains qui survivent avec un mec qui meurt à chaque chapitre. Donc, c'est des thèmes très classiques, et puis plus c'est classique, plus c'est marrant de les détourner, en fait. C'est pour ça que, idem Cthulhu, qui est, bon, pour les gens qui connaissent, c'est Lovecraft. Lovecraft, c'est plein de bouquins du début du siècle dernier, qui sont assez géniaux, avec un mec qui est un peu assez pas très clair quand même sur certains points. Donc ça m'a permis d'utiliser toute cette matière fantastique, de lancer des pics, de partir un peu sur un côté un peu social par moment, qui va un peu à contre-courant de ce que Lovecraft pouvait des fois pas écrire, parce qu'il n'était pas très il n'était pas militant ni rien, mais il avait quand même des conceptions de l'humanité assez spéciales, on va dire. Bon, pour les connaisseurs, il n'y a pas besoin d'expliquer, voilà, sinon, voilà, c'est pas grave. Tu veux que j'approfondisse sur Lovecraft, oui. Oui, alors Lovecraft était quand même assez raciste, mais il n'était pas dans un mouvement raciste, il n'était pas militant et tout ça, il avait juste ce côté vieil anglais, il était américain, mais il avait quand même un côté très, très, très conservateur, très, très, pas rétrograde, mais c'était mieux avant, enfin, il aimait beaucoup la vieille Angleterre, tout ça, et dans ses délires, effectivement, il y avait quand même, il avait un peu classé les gens. En haut, il y avait les universitaires qui étaient les gens assez intelligents. Il y avait les artistes qui étaient un peu les cinglés, mais qui lui permettaient, qui faisaient un peu un lien avec tous ces mondes un peu fantastiques. Après, il y avait les gens, on va dire, normaux. Puis après, tu avais les Italiens. Puis après, tu avais les émigrés irlandais. Puis les Noirs. Et puis, il n'y avait pas de femmes dans ces romans. Donc, Et c'est pas écrit noir sur blanc, mais on sent bien qu'il y a un racisme latent dans pas mal de nouvelles et de Lovecraft, et il a été un peu décrit pour ça. Il en reste qu'on peut très bien lire Lovecraft sans trop buter là-dessus, et moi ça m'intéressait justement de faire un peu le contraire, donc j'ai mis une héroïne dans le roman, alors que dans les bouquins de Lovecraft il y a quasiment aucune femme. C'est très rare qu'il y ait des femmes, elles sont pas décrites sous un mauvais jour, elles sont juste inexistantes. Donc moi j'ai mis une héroïne qui ne croit pas en Lovecraft, voilà. Avec voilà, tout ce côté pour renverser, garder Smith, parce que finalement c'est très critiquable, mais ça reste quand même au niveau du fantastique quelque chose d'assez exceptionnel ce qu'il a écrit. Et c'est pas du y a pas un militantisme raciste dans le bouquin, quoi. Il y a juste des trucs, quand tu fais attention, tu les vois, quoi. C'est tous des sauvages, les Esquimaux, les Noirs américains, c'est tous des sauvages, en fait. C'est tous eux qui sont possédés par le démon, qui n'ont pas la volonté de... Enfin, le démon ou les grands anciens, tu vois. Et donc c'est un peu bizarre, en fait. Quand tu relis Lovecraft avec avec cette grille de lecture, là, tout de suite, tu coinces. Mais il y a plein de nouvelles où ça n'apparaît pas non plus. C'est un auteur parmi des centaines de milliers. Et le fantastique, la SF, n'est pas spécialement un truc très politisé. Enfin, la SF l'a été, mais fantastique, fantasy, c'est pas le but n'est pas vraiment politique dans le récit. Moi, je mets un fond politique parce que ça m'intéresse, mais c'est assez rare. Il y a eu de la SF très politique dans les années 60-70, un peu moins aujourd'hui, mais ça existe encore. Ce n'est qu'un lapin avec une veste. Ah, et une montre. Non, permets, moustache. Je suis en retard, en retard, en retard. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, hey, monsieur. En retard, en retard. J'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir. Je suis en retard, en retard. Il faut que ce soit très important. Une fête ou quelque chose de ce genre. Monsieur lapin, attendez-moi. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Quelqu'un m'attend. Vraiment, c'est important. Je n'ai pas le temps de dire au revoir. Je suis en retard, en retard. Et alors, on a déjà touché un mot tout à l'heure. Pam Pam, au Pays des Merveilles, ça sort le mois de juin, donc là dans quelques jours. Tu nous as un peu raconté l'histoire. Peut-être tu peux revenir là-dessus et aussi donner en quelques coups de crayon ta collaboration avec Zariel. Comment ça s'est passé? Et bien, c'est qui aussi Zariel? Alors Zariel, c'est un... Je suis très jeune maintenant, mais c'est quelqu'un que j'ai connu il y a très longtemps qui faisait des illustrations de couverture en fait. Pour des petits éditeurs, et puis qui bosse maintenant à Paris sur voilà, c'est un illustrateur, quoi, un graphiste. Et puis le ActuSF, la maison d'édition, a une collection où ils font, ils appellent des bouquins graphiques, c'est-à-dire que c'est un peu illustré, quoi. C'est pas des BD, mais il y a pas mal d'illustrations. Donc on a bossé là-dessus parce qu'on avait envie de bosser sur plein de trucs depuis longtemps. Et c'est aussi Louis Ariel qui a fait la couve d'un vinyle qui sort. Qui est la bande-son, on va dire, du Club des Punks contre l'Apocalypse Zombie, qui est un des bouquins que j'ai fait aussi, où j'ai fait une quinzaine de morceaux qui sont inspirés de scènes du roman. Donc je les ai fait musicalement, quoi, on a fait enregistrer, on a fait un disque chez Archives de la Zone Mondiale, et c'est Ariel aussi qui a fait les illustrations. Donc c'est quelqu'un avec qui j'aime bien bosser parce que c'est un pote, parce que j'aime bien ce qu'il fait, parce qu'il bosse super bien. Et c'est la deuxième fois que je fais un truc comme ça. J'avais fait un bouquin qui s'appelait Cyclone. C'est un truc un peu moins, un peu arty, en fait, pas très bien. Excusez-moi, vas-y. Hein. Alors là. C'était sorti chez un label qui s'appelle Petite Bulle d'Univers. Et là, la démarche était différente. C'est-à-dire que on m'avait donné un thème. Et on m'avait donné des illustrations c'était un peintre en fait. À chaque sortie, ils prennent un plasticien différent et un auteur différent. Donc ça peut être photographe, peintre, sculpteur. Mais par contre là, je bossais à partir de peintures. On m'avait filé une peinture et un thème. Et là, je devais écrire un texte. Alors que le truc que j'ai fait avec Zariel, là, c'est j'ai écrit un texte et lui, il illustre. Donc c'est plus classique. Et voilà, c'est pour mettre un côté graphique, rajouter un côté graphique à ce petit roman, quoi. Et alors, tu l'as dit, hein, mais rappelle un peu la trame, le pitch. En gros, le pitch, c'est tout con, c'est un lapin qui va faire la sieste près d'un arbre, et tout d'un coup, il y a une jeune fille qui passe et qui lui fait un doigt ou un bras d'honneur, je ne sais plus, qui l'insulte et qui se barre. Donc le lapin est un peu vénère. Et donc il suit la fille et se retrouve dans le Pays des Merveilles, qui est plus notre monde à nous que son pays, et qui se retrouve confronté à plein de relous. Tous les gens que je déteste, ils sont là-dedans, je les ai mis là. Et donc voilà, il sait pas trop ce qu'il fout là, il est paumé, il essaie de rentrer chez lui comme Alice. Et à la fin, il se passe un truc, et c'est pas comme dans Alice, elle se réveille, c'est un rêve, et là non, c'est pas un rêve. Là. Voilà. Parce que le coup de « Oh, c'était un rêve », bon, c'est un peu déjà fait, refait dans les nouvelles, donc dans la littérature. Donc voilà, il y a un truc qui se passe à la fin, mais je ne dis pas quoi, parce que sinon personne va lire ce bouquin. Mais voilà, si vous aimez les lapins ou pas, c'est le moment. Alors, on va bientôt clôturer, mais on va encore se faire une petite question. On va discuter fric. Alors... mais non, c'est pour moi. Alors, la littérature punk fantastique, ça rapporte? Ah, ça rapporte pas vraiment beaucoup d'écrire des bouquins. Ça rapporte pas énormément. On vit pas de ça en tous les cas. Tu vois, si tu veux parler de fric, moi je vais dire, quand je vends, alors j'ai des bouquins qui sont sortis en poche, sur un grand éditeur de poche, je touche à peu près 30 centimes d'euros par exemplaire vendu. Voilà, si vous voulez des chiffres. Voilà. Le truc est vendu 8 ou 9 euros. Voilà. Tout le reste, c'est pour plein de gens. Même la TVA touche plus que moi sur une vente de bouquins. Voilà. Alors, bon, c'est pas pour faire le procès hein, de quoi que ce soit, hein. C'est juste pour savoir. Parce que, bon, on a une petite distro de diffusion, on essaye d'être le moins cher, enfin le plus accessible possible. Et c'est vrai qu'on regardait un peu les prix de tes polars et des bouquins. Et du coup, c'était plutôt aux alentours de 20 balles. Alors on se doute, il y a la crise, le Covid, la guerre, n'arrange pas les affaires de l'industrie du papier. Mais un roman à 20 balles, c'est pas toujours donné en termes d'accès. Du coup, enfin voilà, juste. Alors, niveau des bouquins, les grands formats, 20 balles, c'est même pas cher. Moi, je trouve que c'est un peu. Ils sont un peu moins chers. Ils sont à 17, 18, sauf le gros luxe, là où il y a un 10 dedans qui est plus cher. C'est les prix, hein. C'est entre, on va dire, entre 15 et 30 euros. Moi, je trouve ça cher. Voilà. Alors, il y a des. Si pour les gens, c'est trop cher, il y a des alternatives. Il y a soit le. Bon, si on aime bien lire en dématérialisé, c'est toujours moins cher. Sinon, il y a les bibliothèques. Allez dans les bibliothèques ou empruntez les bouquins, faites-les tourner. Sinon, ils ressortent en poche souvent, et les poches, c'est beaucoup moins cher. Mais c'est le prix des bouquins, effectivement. Si tu peux les vendre en direct, si tu peux faire sauter tous les intermédiaires en boutique et surtout distributeurs, diffuseurs, bah, ton bouquin, il passe de 20 à 10 balles. Quoi. Mais clairement, dans le cadre de vente d'un bouquin, celui qui gagne le moins, c'est l'auteur. C'est clair. Tout le monde se gave sauf l'auteur. Donc pour vivre, moi je vis pas que de ça, hein, je fais ça pour mon plaisir. Les gens qui en vivent, ils produisent, hein, ils font 4 bouquins par an, ou alors il faut faire des best-sellers. Mais c'est pas un truc où on se fait de la thune, le bouquin. Ça veut pas dire que les gens qui en vendent beaucoup, ça va, genre Marc Lévy ou Bernard Weber, ils vivent bien, ils sont bien, mais c'est pas là où il y a de la thune. Si les gens veulent gagner de la thune, il faut vendre des bagnoles ou chercher du pétrole dans le désert, ou je sais pas, enfin bon. Mais c'est vrai que ça fait un peu cher, 20 balles, pour un roman. Mais c'est pour ça, moi, j'ai dit aux gens, faites-le tourner, piratez-le si vous voulez, je m'en fous. Moi, je les écris pas pour. J'écris pour qu'on les lise. Et les bibliothèques, c'est vraiment bien, les bibliothèques. Alors, je pense qu'il y a autant de bibliothèques en Belgique qu'en France. Et surtout qu'on les trouve, ces livres, assez facilement. Et puis sinon, il faut demander, il faut dire au bibliothécaire, on a envie de lire ça, et il commande. Quoi. Enfin, c'est pas. Yes, on va se terminer alors avec une petite. Non, rien. imagine que tu es au bord de la Tamise avec ce très cher Karl Marx, que tu discutes tranquille avec lui et soudainement, il te propose d'écrire la première phrase du manifeste. Que lui proposes-tu ? Longtemps, je me suis couché de bonheur. Ok, merci Karim. Voilà, mais merci vous, merci tout le monde, merci le monde. On s'écoute un titre du dernier album des Ludwig von 88, sorti en 2019, 20 chansons alpinistes pour en finir avec le futur. On écoute au bon vieux temps des Crêtes. Nous allions la crête au vent, animés de nobles combats, gobant des acides en chantant, la sédition guidant nos pas, et les gendarmes toujours zélés, courroucés par tant de baroufs, s'essoufflaient à nous pourchasser, en rêvant de nous coller aux newfs, quand nous étions plus jeunes. Nonobstant nos blousons cloutés et force patch des pistoles, nous arpentions les beaux quartiers, portant aux riches la bonne parole. Mais ces bourgeois un peu trop gras, dès qu'on parlait de brûler le système, s'enflammaient comme un feu grégeois, mongeois s'ennuie, morose extrême. Quand nous étions plus jeunes. Quand nous étions plus jeunes, nous étions anarchistes, nous faisions peur aux bourges qui s'effrayaient d'un rien. dès que s'agitait un drapeau noir, ils fumaient comme des bêtes. Que la vie était belle au bon vieux temps des crêtes. Nous étions toujours tricards dans les troquets et dans les bars. Nous passions nos soirées d'hiver à défoncer les lampadaires. Et nous hurlions en fa en sol, gogotant comme des âmes en peine. Et toutes les joies du Capitole joignaient leurs cris à notre haine. Quand nous étions plus jeunes, quand nous étions plus jeunes, nous étions anarchistes. Nous faisions peur aux bourges qui s'effrayaient de rien. Dès que s'agitait un drapeau noir, ils fumaient comme des bêtes. Et nous fumions aussi, et rien que des gros joueurs. Ces émeutes se sont lointaines, elles ne fuient sur sans tribune. Maintenant que la sédition a laissé place à l'autotune, et l'adoration du veau d'or est devenue un nouveau sport. Ce qui nous laisse un peu pantois, nous qui avions si peu de foi. Et que Jésus-Christ nous pardonne d'avoir chanté des chansons connes, mais l'air était à l'insouciance, sans bien d'amour pour la décence. Et s'il suffit de passer le pont pour que l'amour ouvre son lit, il est plus dur d'éviter les nions quand on incite à l'anarchie. Quand nous étions plus jeunes, maintenant que nous sommes vieux, nous squattons des palais. Maintenant que nous sommes vieux, nous pogotons dans le silence. Maintenant que nous sommes vieux, même la taupe nous fait chier. Maintenant que nous sommes vieux, nous voulons un futur. Nous ne voulons plus prendre de drogue. Taper les coffres. Nous ne voulons plus péter des bus. Nous ne voulons plus bouffer des nouilles. Bonsoir. Ce soir, je vais essayer de vous donner envie de lire une petite brochure, un recueil de tracts issu d'un groupe de lycéens dans les années 90 à Paris. Ça s'appelle « Vous ne pouvez rien faire contre nous, nous vous empêcherons de vieillir ». Les Lascars du LEP électronique. Ce sont des textes qui ont été écrits en 1986 à Paris et réédités aux éditions du Commun en juillet 2020 sous la forme d'un petit bouquin qui reprend les tracts du groupe. En fait, c'est pendant le montage de la présentation de la bibliothèque de la Grue pour l'émission de la Distrolapinothèque du mois d'avril que, dans les toilettes d'un ami, je suis tombé sur ce livre. Et j'avais vu le film. Le film s'appelle aussi Les Lascars du LEP électronique, Agonie d'une loi de Arlette Girardot. Et en fait, c'est un documentaire réalisé par des lycéens d'un LEP. Un LEP, c'est un lycée d'enseignement professionnel. Maintenant, en France, on dit juste lycée professionnel. Et en Belgique, en gros, c'est les secondaires professionnels, quoi. On dit juste professionnels. C'est les écoles secondaires où on apprend un métier manuel et on n'a pas le CESS ou on n'a pas le bac. Le lien avec la grue, bah, c'est parce que c'est une bibliothèque qui est tenue surtout par des personnes qui se sont rencontrées dans le monde étudiant, qui ont marché pour le climat, qui ont après fait des liens avec les gilets jaunes, pour certains qui ont été proches de la ZAD de Harlon et qui sont proches des écrits situationnistes. Et en fait, ça m'a fait penser à ça et je me suis dit, ah ben, c'est une bonne contribution aux luttes étudiantes. Chez nous, elle a commencé très doucement. D'abord, on était 15. Pourquoi ? Parce qu'on ne savait pas vraiment ce qu'on voulait et surtout parce qu'on suivait les étudiants. Mais très vite, on a compris que vraiment, en fait, on avait beaucoup à perdre. Et alors, ça a été très fort. Tout le monde était avec nous, toute Bahut était là. Et puis, on essayait vraiment de se la donner, de faire le maximum pour montrer qu'on était là et qu'on ne voulait vraiment pas aller à l'usine, comme c'est marqué là. Au début, on a fait la grève, c'est surtout pour s'amuser, pour bien s'éclater, pour... Pour rigoler comme tout le monde. Voilà. C'était surtout pour déconner en fait. On est sorti dans la rue, on a suivi tout le monde. Et en arrivant dans la rue, en fin de compte, on s'est vraiment trouvé con devant des banderoles qui ne nous concernaient pas, dont on ne savait même pas de quoi ça parlait. Et en se renseignant, on a bien vu que ça ne nous concernait pas du tout. Et que nous, on avait, si ce n'est plus de choses que les étudiants revendiquaient, que les lycéens. Donc tout ça se passe en 1986 à Paris, pendant un grand mouvement social contre le projet de loi de Baquet. La loi de Baquet, c'est un projet de loi qui visait à réformer les universités françaises et il était porté par Alain de Vaquet, à l'époque ministre délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le gouvernement Chirac. Le projet de loi prévoyait surtout de sélectionner les étudiants à l'entrée des universités et de mettre les universités en concurrence les unes contre les autres. Vous n'avez rien compris, étudiants, job, job. Vous n'avez rien compris, étudiants, job, job. Vous n'avez rien compris. Le mercredi 26 novembre, nous nous sommes mis en grève. Nous avons été chercher d'autres lycées qui étaient à Gare de l'Est pour faire débrayer notre lettre. Le jeudi, nous avons été à la manif. On a vu ce que les étudiants étaient déjà, ils criaient des slogans lamentables. Et le vendredi, nous avons envoyé des délégations dans d'autres LEP pour leur dire de venir aux nôtres. À partir de mercredi, ce qui s'est passé, c'est que bon, on voyait qu'on n'était pas beaucoup de LEP, alors ce qu'on a cherché à faire, c'était à réunir d'autres LEP. Mais le problème qui s'est posé, c'est que les étudiants aussi faisaient des assemblées générales sans prévenir tous les LEP, de façon à ce qu'il n'y ait que quelques groupes de LEP qui soient bien prévenus, qui soient bien informés et qu'on soit séparés dans les manifs. C'est ce qui s'est passé. On a retrouvé d'autres groupes qui avaient été mis au courant par les étudiants, en fait, dans des buts, disons, pas très sympas de la part des étudiants, quoi, de façon à nous disperser. Les Lascars du LEP qui étudient pour aller à l'usine développent une critique beaucoup plus large que la critique étudiante, en s'attaquant au salariat, au travail, à l'usine, aux organisations étudiantes, syndicales et politiques. Ils vivent toutes ces tensions de l'intérieur et ils comprennent que la plupart des orgas étudiantes utilisent les lycéens des LEP pour leurs intérêts et surtout pour que chacun reste à sa place. Les LEP, les futurs ouvriers quoi, à l'usine et puis c'est tout. On n'est pas plus con que vous, il n'y aura pas à l'usine. Le vendredi 28, nous sommes allés à la Sorbonne parce qu'il y avait une soi-disant coordination des lycées et LEP. Bon, nous n'avons pas pu entrer, nous sommes fait carrément jeter. Justement, après cette réunion, soi-disant réunion, on a écrit un petit tract qu'on a appelé « Nous critiquons ». Puis bon, je vais vous lire un petit passage. Alors, étudiants, hier nous étions dans la rue avec vous, mais autant vous le dire tout de suite, la réforme de Baquet, on s'en fout. Pour nous, la sélection a déjà joué. L'université nous est fermée et nos CAP et nos BEP nous mènent tout droit à l'usine après un petit tour à la NPE. Pour nous, la critique de la loi Debaquet est inutile. Nous critiquons l'université, nous critiquons les étudiants, nous critiquons l'école, nous critiquons le travail. L'école nous donne les mauvaises places. L'université nous donne les places médiocres. Ensemble, critiquons-les. Mais ne nous dites pas, il faudra toujours des balayeurs, des ouvriers, ou alors allez-y les gars, ces places-là, on vous les abandonne de bon cœur, vous gênez pas. On n'est pas plus bêtes que vous, on n'ira pas à l'usine. Je vous lis la suite du tract parce qu'il est vraiment bien. Si vous critiquez la loi Delaquet, qui ne fait qu'empirer une situation mauvaise, vous n'avez rien compris. Du reste, votre situation n'est pas beaucoup meilleure que la nôtre. Une bonne partie d'entre vous, 60% paraît-il, abandonnera ses études avant le Deuge. Et ces mauvais étudiants auront droit au même boulot subalterne et mal payé qui sont notre lot. Et quant aux bons étudiants, qu'ils sachent que les places moyennes qu'ils auront, les bonnes, c'est pas à l'université qu'on les trouve, ont beaucoup perdu de leur prestige et de leur pouvoir. Aujourd'hui, un médecin n'est plus un monsieur, c'est un employé de la sécu. Et qu'est-ce qu'un professeur, un avocat, il y en a tant. Étudiants, si vous critiquez seulement la loi de Caquet et pas l'université, vous battrez seul et la loi passera d'un coup ou par petits bouts. Vous l'aurez dans le cul. Et si par hasard elle ne passait pas, alors tout serait comme avant et la moitié d'entre vous se retrouverait dans les bureaux, vos usines aseptisées. Étudiants, c'est vous qui êtes appelés à gérer cette société et nous à la produire. Si vous bougez, si nous bougeons, tout peut bouger. Mais si vous voulez seulement jouer les apprentis tapis, si vous voulez seulement gérer loyalement cette société et devenir à moindre frais éducateur, assistante sociale, animateur, inspecteur du travail, cadre, sociologue, psychologue, journaliste, directeur du personnel, pour demain nous éduquer, nous assister, nous animer, nous inspecter, nous informer, nous diriger, nous faire bosser, allez vous faire foutre. Mais si vous voulez, pour commencer, critiquer le système scolaire qui nous exclut et vous abaisse, si vous voulez lutter avec nous, contre la ségrégation sociale, contre la misère, la vôtre et la nôtre, alors frères, avec nous, on vous aime. La fin du mouvement social est notamment marquée par l'assassinat de Malik Oussekine par la police le 6 décembre 1986. À l'époque, à ce moment-là, la police était aussi organisée en voltigeurs. C'était deux flics à moto, deux flics sur une moto, qui étaient armés d'un gros genre de matraque, bâton, et qui poursuivaient les manifestants après les dispersions. Underground sex play. Pendant que jour après jour, l'État assassine. partie de Caïd. 2 minutes 45, va tomber. Pas encore, c'est quel combat. Allez. Oh, comment ça charge. 360. Contact. Contre de Caïd. Vous voulez qu'on respecte votre état policier. Vous nous dites que tous les flics ne sont pas mauvais. Que si la police n'était pas là, ce serait pire encore. Que la société a besoin de vous, sans compter ses morts. Mais c'est fini, le peuple se réveille et nous demandons des comptes. Le pouvoir judiciaire doit prendre au sérieux ce que l'on raconte. Qu'amour des ambiances quand la bavure frappe. La police et l'armée sont des gangs organisés, où je prends mes marques. Un exemple de comportement dans les émeutes du 18ème. Ils frappent les jeunes, les vieux, les enfants, afin que l'ordre règne. Nous sommes base pour le chapitre des enculeries politiques, financières, policières. Le business des affaires est prospère quand ils se règnent dans les couloirs des ministères. Et pendant qu'assassin est censuré quand il s'exprime. Le gouvernement est à la tête d'un État qui assassine. Y'a l'État assassine. Le combat est pour ceux qui brillent. La police est comme un con. Y'a l'État assassine. Napoléon a les héritiers. La police est comme un con. Y'a l'État assassine. La police est comme un con. Paix à toutes les victimes. Y'a l'État Je parle des bases policières. Oui, mon frère, quand dans un éclair tout s'arrête. Quand je prends une baston sans pleine tête. Par les responsables du maintien de l'ordre public. De l'ordre public ou de l'ordre politique. Du délire d'un flic où l'erreur est humaine. Alors moi aussi, dites-moi, je dégaine. Le crime, est-ce un produit du système. La haine appelle la haine si ton esprit se referme. Le doigt sur la gâchette, mon front transpire. Mon cœur bat plus vite. Mes pulsations s'excitent, le sang coule dans mes yeux. Mais je mérite mieux. Pourquoi le shooter lui et pas un autre. Si je shoote ce keuf, je devrais shooter les autres. Mais ce sont les hommes, ça y est ma tête explose. Toutes les valeurs s'entrechoquent car la question que je me pose est doit-on répondre de la même manière aux violences policières. Mais je ne changerai pas le cours de l'histoire si je shoote un commissaire. Si il a buté mon frère, ça pourrait me satisfaire. Mais le cul entre quatre murs, il ne me restera que la prière. Oh shit. Ma personne s'excite et mes doigts sur le calibre sont moi tremblés s'agitent. Les secondes paraissent des heures. Et l'odeur de l'acier dans ma main a un goût de rancœur. Tant pis je shoot, tant pis je shoot. Je n'en ai plus rien à foutre dans ma tête, il n'a plus de doute. Hey, squad, réveille-toi. Oh. Mais pas un rêve, un putain de cauchemar. J'étais en train de shooter un cœur. L'État assassine, l'État assassine, l'État assassine, l'État assassine, l'État assassine, l'État assassine, l'État assassine, l'État assassine, l'État assassine, l'État assassine, l'État assassine, l'État assassine, l'État assassine, l'État assassine, l'État assassine, l'État assassine, l'État assassine, l'État assassine, l'État assassine, l'État assassine, l'État assassine, l'État assassine, l'État assassine. Un slogan que les étudiants avaient décidé de dire, c'était plus jamais ça. Bah, nous et encore d'autres personnes, ça, en entendant ce slogan-là, ça nous a fait rigoler, plus jamais quoi, plus jamais ça. C'est-à-dire arrêter le mouvement, casser le mouvement. Plus jamais le mouvement étudiant. Voilà, et eux ils disaient non, c'était pas ça leur slogan. Leur petit slogan, c'était plus jamais ça, plus jamais de l'Ouest et de Valchem, Honori. Jamais ça, de jeunes qui réfléchissent. Voilà, et c'est se foutre de notre gueule parce que leur slogan, plus jamais ça, c'était ce qu'il y a de mieux pour casser le mouvement. Vous venez d'écouter un dernier passage, plus jamais ça, sur la fin du mouvement. Et pour info, du coup, le projet de loi, il a été retiré le 8 décembre 1986. Le lendemain du décès de Malik, le ministre de l'Intérieur rencontre les étudiants et le ministère de l'Enseignement de Vaquet démissionne. Voilà, je vous conseille vivement de lire le recueil de tracts des Lascar du LEP électronique. Vous ne pourrez rien faire contre nous, nous vous empêcherons de vieillir. Les Lascar du LEP électronique aux éditions du commun. Le livre est téléchargeable gratuitement sur le site des éditions du commun et il est en brochure dans la Lapinothèque. pouvez aussi voir le film « Les Lascars du LEP électronique » sur YouTube. Je pense que ça reste un super outil à ressortir lors de tous les mouvements étudiants. Et avant de passer à l'agenda, on va s'écouter un titre du dernier album de La Fraction, disponible à la Lapinothèque ou chez Arege. On écoute le titre issu de l'album « C'est de l'autre côté » avec une magnifique pochette où on voit un hippopotame rose surplombant les décombres d'une ville dévastée. On écoute le titre « Les silences ». Alors, on va passer à l'agenda des sorties. Donc, prochaine sortie, c'est le samedi 2 juillet au festival de la Fanzinorama au Bunker. Donc ça, c'est au 66 rue des Plantes, près de la gare du Nord, où il y aura pas mal de distros d'un peu partout, d'Espagne, de France, de Belgique, avec des zines. Et on sera présent, nous, le samedi 2 juillet. Mais le festival a lieu le 2 et le 3, et le week-end qui suit, donc rue des Plantes 66 à Bruxelles. Ensuite, le jeudi 7 juillet à Namur, soirée de soutien avec les René Binamé, Golden Bougna et DJ Cajol, au local associatif magasin gratuit Le Chaudron. Donc c'est un prix libre conseillé à 5 euros, ouverture des portes 19h, et donc ça c'est à La Casserole, rue du Moulin, Lavigne, 19B. Alors, avis très important, cet été il n'y aura pas de permanence d'Istro Lapinothèque aux Automorgon dans notre local à Bruxelles, donc on sera fermé, Et pour la rentrée, on vous proposera certainement une ouverture mensuelle. On fait pas mal de sorties ces derniers temps, donc on essaie d'économiser nos énergies. Et du coup, on vous conseille d'aller consulter régulièrement notre blog où les infos en termes de sorties sont régulièrement mises à jour. Donc c'est leslapinselectriques.blogspot.com. D'ailleurs, c'est sur ce même blog que vous pouvez trouver tous les liens vers nos podcasts. Donc leslapinselectriques.blogspot.com. On voudrait remercier chaleureusement Arej et Binam pour relayer les infos concernant nos émissions. Ah, et j'oubliais, concernant justement les émissions du mois de juillet et août, comme le disait Aline en début d'émission, c'est le moment pour nous de recharger les batteries et donc on vous proposera des rediffusions de nos grands crus des années précédentes. Avant de se quitter définitivement, on va s'éclater la cervelle avec Mourir en groupe de Krakenizer. Allez, zombies cuir de tous les pays, bonne nuit et à la prochaine. Racaille dans le quartier, c'est panique générale. Y'a pas à discuter, chaque fois ça fait scandale. Politique de la peur, font tourner la machine. Au bistrot du bonheur, se partage la bibine. Et derrière son comptoir, le barman aux yeux bleus veut plus. Déclenche la grotte sociale, y'a pas à discuter. Décadence infernale, les sueurs et la mort font tourner la machine. Ne compte pas trop tes heures, t'as pas connu la mine. Et derrière son comptoir, de barman aux yeux turquoises, le plus.